Le train ATR Hauts-de-France, c'est 17, à destination de Beauvais, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Mesdames et messieurs, notre départ est imminent. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ.